Édition de juillet 2015. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Au moment d'écrire ces lignes, au matin du 3 juillet, les forêts brûlent dans l'Ouest canadien, on fracasse des records de chaleur en Colombie-Britannique, l'Europe de l'Ouest vit une canicule, et ici, on a des nuits autour de 10 degrés. Beaucoup de pluie nous est tombée dessus en juin, et les limaces sont assaillies de potagers. Mais voyons un peu comment j'ai réussi à occuper mon temps au cours du dernier mois. Plusieurs heures ont encore été consacrées à Radio Saint-François. Mise à jour quotidienne, revue de presse, courriel. Au début du mois, recherche et installation d'un lecteur HTML5 pour la page d'accueil du site web, fin de chargement de rubriques sur Radionomie, mise à jour des archives. Réalisation des bulletins d'information chaque semaine. Le 6, rédaction d'un billet sur notre tournée des ventes de garage dans Newport, organisée dans le cadre de la fête des voisins. Mise en ligne le lendemain. Ajout de l'entrevue réalisée avec l'artiste-peintre Stuart Main sur la page de l'émission Les Belles Rencontres le 11 juin. Le 20, visite au marché aux puces de Chartierville, au profit de la Société canadienne du cancer, rédaction et mise en ligne d'un billet sur notre passage. Le 26, refonte de la page consacrée à l'émission Les Belles Rencontres et ajout de l'entretien avec l'aquarelliste de Whedon, Pierre Casey. Rédaction d'un billet sur l'état de la situation pour la radio le 28 juin. C'est aussi le moment où j'ai décidé de réduire considérablement le temps que je consacrerai à ce projet. Vous êtes invité à lire le billet en question pour plus de détails. Pour le blog, j'ai poursuivi la rédaction hebdomadaire de mes activités tout au long du mois. Le 19, je relevais les statistiques des téléchargements. Bonne nouvelle, les comptes du pays gallo ont dépassé les 4000 téléchargements et les coupables de Cécile Bramafa, les 2000 téléchargements. Il y a déjà un bon moment, j'ai adapté pour l'audio la ténébreuse affaire de Green Park. J'ai revisité sommairement le scénario afin de voir s'il était adaptable au cinéma. Conclusion, oui, mais non pas sans plusieurs heures de travail. Par ailleurs, j'ai décidé de diffuser les versions numériques de mes romans et recueils de nouvelles via Smashwords. Deux avantages sautent aux yeux. D'abord, cette plateforme offre les œuvres dans tous les formats populaires d'e-books et les diffuse à plusieurs grands noms des revendeurs d'e-books. Le but étant, bien sûr, d'augmenter la visibilité. Ainsi, j'ai formaté et préparé pour Smashwords Complot sur Alpa, la première aventure de Carlin Novi, Grand-père, mon bref roman pour enfants, et les chroniques de Petite Tête L'Omnibus, un recueil de nouvelles de science-fiction au ton humoristique. Le 16 juin, je me suis penché plus avant sur le logiciel GIMS afin d'en apprendre les rudiments. Tout ça pour améliorer l'aspect des couvertures de mes livres numériques. J'ai encore consacré pas mal de temps au résumé Perry Rodden. J'ai terminé de scripter la tranche des épisodes 170 à 179 les 2 et 3 juin. Le 9, je préparais les effets sonores et les musiques en vue du montage. Mise en ligne le 11 du volet des résumés pour les fascicules de 160 à 169 sur le blog et sur Audiocité. Le 23, j'ai enregistré les résumés pour les fascicules de 170 à 179 que j'éditais le lendemain. Début du montage le 25 juin, pour se terminer le 29. L'entité, le supra-être, se gava tant qu'il se transforma en un champ de tension refermé sur lui-même. Elle se stabilisa en masse et devint la planète Hercule. Sa structure se compose d'un molkex, lequel correspond à l'existence sous sa forme passive. Les anélicères sont issus du même molkex, mais qui a suivi une évolution différente. L'onde de choc gravitationnel émanant des Halles, le premier des petits projets Alphonse Allais prévus pour cette année, a été mis en ligne sur le blog et sur Audiocité le 4 juin. Je tire le pied d'une pauvre biche qui sert maintenant de cordon de sonnette. Un petit pas se fait entendre derrière la porte. On ouvre. C'est elle, ma petite blonde. Je lui dis... Au fait, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Parce que, vous savez, dans ces moments-là, on dit ce qui vous vient à l'esprit et puis 5 minutes après, on serait bien pendu pour le répéter. Mais ce que je me rappelle parfaitement, c'est ce qu'elle m'a répondu d'un air furieux. J'ai scripté la première page de l'édition du 6 octobre 1883 du Progrès de l'Est le 4 juin. Le 9, j'ai préparé les effets sonores pour le montage. Mise en ligne de la page 8 de l'édition du 29 septembre 1883 et mise à jour des index le 18 juin. L'entière édition du 29 septembre 1883 fut placée au catalogue d'Audiocité le 24 juin. L'enregistrement de la page 1 de l'édition du 6 octobre 1883 s'est étendu sur 2 jours, les 25 et 29 juin. Le montage s'est effectué le lendemain. Un pensionnaire de Sa Majesté britannique, un nommé Peter Small, Pierre Petit, ayant appartenu au 85e régiment, étant allé se baigner dans le lac après quelques jours de libation, a été pris de crampes et s'est noyé. On a retrouvé son corps contre un rocher, dans un endroit où il n'y avait pas plus de 3 pieds de profondeur. Richemont. Les deux secrétaires de nos écoles, catholiques et protestantes, je me suis remis plus activement à la généalogie depuis quelques semaines. Entre autres, en rédigeant des billets sur mes ancêtres, dans le blog créé à cet effet, et en reprenant mes recherches pour les branches de mon arbre que j'avais moins fouillées par le passé. Ayant reçu le bois de chauffage pour l'hiver prochain, j'ai consacré plusieurs heures à le corder à la mi-mois. Aussi travailler dans le potager, à remplir mes boîtes d'allumes, etc. Le 22 juin, j'ai reçu l'enregistrement de Carole pour le prochain épisode du PC Show. Le même jour, j'écoutais et choisissais les prises qui me convenaient en vue du montage. Récupération du fichier de Gabriel, le 30 juin. Mise en ligne de la 18e partie des relations des Jésuites, le 25 juin. Étant de retour au logis, et racontant au père de nous la difficulté du chemin, il me dit, pour me consoler, qu'allant au Huron, on rencontrait 40 endroits plus difficiles que celui dont je lui parlais. Dieu soit béni de tout. Si nos pères qui iront à ce pays-là ont de la peine, Dieu les sera fort bien récompensés. Voyant donc que je perdais beaucoup de temps en ces allées et venues aux cabanes, je cherchais un autre moyen de tirer quelque chose de la langue dont je parlerai tantôt. Au courrier, nous avons reçu des nouvelles de Corvo via le livre d'or d'Audiocité le 10 juin. Ah, très cher Christian, tout d'abord, mes plus sincères excuses pour ne pas avoir donné de nouvelles depuis... oh, une éternité. Sincèrement désolé. La principale raison est que depuis fin décembre, il m'est impossible de télécharger aucune des productions des éditions. J'ai tout essayé. Ça doit être un problème de compatibilité avec mon ordinateur. Par contre, j'arrive à télécharger les podcasts mensuels en passant par Podomatic, ce qui fait que j'ai quand même de vos nouvelles de temps en temps. Au fait, je voulais vous remercier de m'avoir fait découvrir Les yeux de l'ange bleu, enfin une saga MP3 que j'ai pu télécharger sans avoir à me battre avec le serveur. J'espère que vous vous portez bien et que vos activités sont florissantes. Ça doit être le cas à en juger par les derniers podcasts. Avec mes plus sincères amitiés, Corvo. PS. Ma nouvelle sur la suite des aventures des rescapés du Revanche avance petit à petit. Je pense pouvoir vous la communiquer d'ici la fin de l'année. Malgré le fait que je ne puisse plus écouter les productions hebdomadaires, je tiens à vous féliciter pour l'ensemble de votre travail de cette année, en particulier pour avoir bouclé le projet Edgar Poe. Bonjour Corvo, très heureux de vous lire. Dommage que vous ne puissiez plus télécharger les nouveautés audio hebdomadaires. Je voudrais bien en trouver la raison. Que s'est-il passé en décembre? C'est d'autant plus important pour moi que, peut-être, n'êtes-vous pas le seul à qui ce soit arrivé. Alors, je voudrais bien trouver une parade. Merci une fois de plus pour les mots d'encouragement. Ils font toujours du bien. Ils aident à franchir les moments d'essoufflement. Amitié, Christian. Place maintenant à Jean-Seb, qui nous offre la première partie de l'entretien qu'il a eu avec l'auteur de Projet Prototype. À toi, Jean-Seb. Ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. Pour cette mouture et les deux prochaines, je partage avec vous une fantastique entrevue que j'ai faite il y a quelques jours avec Adrien Mangold, écrivain pour l'instant toujours amateur, auteur de Prototype S et qui a mis la première partie d'une suite de romans qu'il a écrit sous forme de saga audio ou plus exactement, sous forme de livre immersif, soit un livre à mi-chemin entre l'audio et la vidéo, un livre joué et interprété, garni d'une ambiance sonore, un film auquel il ne manquerait que l'image, que j'ai découvert chez Netophonix il y a déjà quelque temps. La production de la série est actuellement en dormance et j'ai besoin de vous, chers auditeurs de la capsule Nouveauté, pour consulter la page de projetprototypes.wordpress.com afin d'écouter l'excellente production actuelle et laisser, je vous en supplie, un commentaire pour l'inciter à continuer l'œuvre. Comme vous pourrez l'entendre, il suffirait de presque rien pour achever notre bonheur et le sien. Sans plus tarder, je vous laisse écouter la première partie de cette entrevue. Alors, bien le bonjour, Adrien. Bonjour, Jean-Seb. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de me proposer cette interview. C'est très sympathique à toi. Ah, ben c'est une belle expérience pour toi et pour moi, je crois. Hein? Oui, bien sûr, une première. Donc. Parfait. Alors, tu es écrivain et ouais. Tu as créé de toute ta prose l'histoire de Prototype S. C'est ça, tout à fait. Alors, écrivain amateur, hein, précisons, dans le sens où il n'y a rien de publié de tous ces écrits pour le moment. Et Prototype S est le premier roman que j'ai terminé. Pas que j'ai commencé, mais que j'ai terminé, qui prend place donc dans un univers de science-fiction au travers plusieurs romans. Même il y en a eu d'autres qui ont suivi. Ok, ça c'est ton premier que tu as complété. Voilà, c'est ça. Et tu en avais commencé d'autres avant? D'autres, mais qui étaient sur un autre univers et une autre histoire. C'était de la fantasy, ce que j'avais commencé avant, il y a longtemps, il y a déjà 7-8 ans de ça. Ok. Et donc, je me suis lancé plutôt dans de la science-fiction. Ce point de vue de l'écriture, c'était un peu plus naturel pour moi, on va dire ça comme ça. Donc, je suis allé au bout d'un premier livre, Prototype S, et j'ai enchaîné sur le même univers, c'est des suites en fait, avec trois autres bouquins. Ah oui, trois autres, il y a trois suites qui sont déjà prévues là-dessus en écrit. Voilà, exactement. Est-ce que tu voulais mettre un petit résumé de l'histoire, un petit gueuleton pour essayer de... Un petit intro de qu'est-ce que cette histoire-là, puis... C'est un exercice très difficile que tu me demandes là. Trois phrases pour résumer le livre, c'est toujours difficile. Non, je vais me prêter au jeu. Donc, c'est un étudiant, effectivement... au début de la saga qu'on retrouve dans un amphithéâtre. Et comme tout étudiant qui se respecte, il va décider de faire une petite sieste en attendant le début du cours. Et là, en se réveillant, il se rend compte qu'il a été au centre d'une tuerie, tout simplement, pour laquelle il est l'unique survivant. Donc il n'a aucune idée de qui est l'auteur des meurtres et de pourquoi il l'a laissé en vie. Et il sait juste que que c'est un androïde d'une technologie bien au-delà de celle que connaît sa société en ce moment. Et il va être amené, pour des raisons personnelles presque, à mener une enquête de son côté pour savoir pourquoi ces meurtres et pourquoi son meilleur ami, qui fait partie des victimes, a été tué et pas lui. Donc ça va l'amener à enquêter en même temps que les autorités compétentes, autorités qui sont dirigées par son propre père. Voilà, donc certaines rivalités vont apparaître pour des raisons diverses et variées. À découvrir. À découvrir. Est-ce que tu as terminé de les écrire, les autres suites? Oui, terminé. Oui, je recherche toujours des éditeurs pour ces livres d'ailleurs, hein. Ils sont en démarchage. Oh, wow! C'est déjà en cours d'espoir de publication. Voilà, mais c'est très difficile de se faire remarquer par les éditeurs et ça fait plusieurs années que je démarche au début pour Prototype S et puis plus récemment pour les suites. Donc c'est une longue bataille et on ne sait jamais si ça va mener quelque part à la fin. Voilà, on peut qu'espérer. Ok, tu veux faire l'édition, la publication format papier, la publication sur Internet, est-ce que ça peut t'intéresser, Alors, dans un premier temps, je cherche papier, mais je me ça? Ok. tournerai certainement vers la publication Internet, s'il n'y a pas eu de papier. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Donc un jour, c'est sûr qu'on va devoir, on va pouvoir voir ce que tu as créé. J'espère bien, j'y compte bien. Voilà, j'arrêterai pas de chercher, j'arrêterai pas d'essayer en tout cas. Ça fonctionne comment pour la publication? C'est quoi les démarches qu'il faut faire pour être publié? Tu envoies le fichier à différentes personnes et puis s'ils sont intéressés, ils répondent ou si Voilà, c'est plus? en fait, les maisons d'édition demandent le manuscrit. En général, dans son intégralité, ils n'acceptent pas les extraits ni les premiers chapitres. Il faut vraiment que le texte soit terminé. Ok. On leur envoie ça en papier ou par mail, ça dépend des maisons d'édition. Et puis là, ça passe par un comité de lecture en général, qui doit être intéressé par le texte pour le retenir et le soumettre, disons, au directeur, à la direction, quoi, de l'édition. Donc il y a deux étapes. Et une fois que ces deux étapes sont passées, on peut être publié. Pour préciser un petit peu, il y a, suivant les maisons d'édition, 1 pour 100 à 1 pour 1000 manuscrits qui sont retenus. Oh, c'est un Donc les chances sont bon. très très faibles, voilà. Oui. Et une fois qu'on est retenu, après il s'ensuit toute une période de correction éditoriale que je n'ai jamais pu expérimenter du coup, mais qui doit être agréable à faire puisqu'on sait qu'à la fin c'est quand même la publication qui arrive. Donc c'est le dernier travail, on va dire, avant la publication. Ok, donc là actuellement, c'est juste ton jet à toi. Que tu leur soumets, là. Il n'y a pas de correcteurs qui ont déjà repassé ton texte, il n'y a pas passé par tout un Alors, pas de processus de correction. correction, d'amélioration. Alors, il y a bien sûr, si, il y a un processus comme ça qui a déjà été fait, mais pas professionnel. Il a OK. été fait par moi, qui ai relu, et par des amis qui m'ont donné des avis. Donc, le texte a déjà été relu et réécrit des dizaines de fois, mais toujours avec un point de vue amateur. Oh wow, hey, ça demande, c'est un gros travail, hein? Des fois, on n'imagine pas ça, on lit un livre, puis on peut pas imaginer qu'il y a autant de travail et de. C'est des années pour un livre, je pense c'est un an minimum pour un livre, mais vraiment minimum, hein. Je pense que Ah, la plupart des... Tant qu'on n'est pas comment dire, dans un rythme de publication, comme peuvent l'être certains auteurs très connus, qui arrivent à sortir un livre par an, parce que derrière eux, il y a déjà tout un système, pour écrire un premier livre, c'est plusieurs années, deux, Okay. trois ans, facile, facile. C'est toute une machine à mettre en branle. Exactement, exactement, J'imagine une fois que le premier est déjà fait, après ça, c'est peut-être plus facile pour les suivants. Faut juste avoir du matériel d'écrit, là. Bon, le matériel est très simple, hein, ça, un logiciel gratuit même peut très bien faire l'affaire. Oui. Non, le matériel, il n'y a pas de souci. C'est les habitudes, c'est de la persévérance, on va dire.